Grande traversée, Fernand Braudel, l'historien monde, par Philippe Petit. Une civilisation, c'est en effet un ensemble de biens culturels, les plus immatériels, mais également les plus tangibles ou les plus grossiers. Des façons de croire ou de sentir, des arts de vivre, mais aussi des techniques, des détails vestimentaires, des secrets de cuisine. Fernand Braudel aimait à considérer l'usage que les philosophes et les historiens faisaient des mots « civilisation » et « culture ». Il avait lu dans sa jeunesse « L'histoire de la civilisation en Europe » de François Guizot et portait un grand intérêt au livre d'Oswald Spengler « Le déclin de l'Occident » paru en 1918, ainsi qu'aux analyses philosophico-historiques d'Arnold Toynbee, 1889-1975, qui, comme lui, employait le mot « civilisation » pour celui de « culture », mais à qui il reprochait d'ignorer la base sociale et économique des grandes civilisations et de se concentrer uniquement sur les grandes religions. Dans un long article célèbre, paru en 1959 dans l'Encyclopédie française, Fernand Braudel esquissait en fait sa propre conception des civilisations, renonçant à certains langages tels celui qui s'ingéniait à parler d'une civilisation comme d'un être ou d'un organisme, rejetant toute explication cyclique du destin des civilisations, excluant de dresser une liste étroite des civilisations, il se réjouissait par contre que le vocable de « civilisation française » apparaisse chez Nietzsche et soit absent chez Toynbee. Fernand Braudel cherchait à la vérité à inventer un nouvel archipel de civilisation qui laisserait deviner la permanence de la civilisation humaine et ressemble à s'y méprendre à la longue durée que son premier livre sur la Méditerranée avait en 1949 déjà mise à l'épreuve. Mot récent en français, mais aussi mot ambigu en ce qu'il attribue à des aires culturelles distinctes, une origine comparable au retour d'Ulysse à Ithaque, la grammaire des civilisations de Fernand Braudel est-elle mortelle comme le sont les civilisations disparues? L'histoire monde est-elle finalement plus puissante que l'histoire des civilisations? Voilà deux questions qui, à défaut de soulever des montagnes, soulèvent des débats parfois houleux, comme on l'a vu récemment, à propos du livre de Sylvain Guggenheim, Aristote au Mont-Saint-Michel, les racines grecques de l'Europe chrétienne, et son répondant, bien sûr, les Grecs, les Arabes et nous, qui était paru chez Fayard en 2009. Bonjour messieurs, alors Patrick Boucheron, vous êtes maître de conférence à Paris 1. Bonjour. Vous avez dirigé une monumentale histoire monde chez Fayard et c'est pour ça que vous êtes venu discuter avec vos collègues de cette notion de civilisation chez Braudel. Oui, et cette histoire du monde au XVe siècle, finalement, elle entretient avec l'héritage de Fernand Braudel, un rapport singulier, un rapport peut-être un peu embarrassé dans la mesure où, évidemment, pour toute une génération d'historiens, Fernand Braudel est celui qui ouvre grand les portes et les fenêtres, celui qui nous promettait une histoire au long cours, une histoire de grand vent. Mais moi, je suis né en 1965 et pour moi, je suis rentré en histoire au moment où Fernand Braudel fermait ses fenêtres, c'est-à-dire au moment où il publiait l'identité de la France. Et toute la question, au fond, c'est de savoir si le Braudel de l'identité de la France renonce ou renie celui de la Méditerranée et de la civilisation, matérielle, économique, capitalisme, ou si, depuis le départ, depuis effectivement les articles programmatiques dont vous parliez, il ne cesse de travailler une notion qui est la notion centrale de civilisation. Et c'est ça la question, peut-être, qui nous réunit. Et c'est la question, d'une certaine manière, qui a, oui, je le répète, embarrassé un petit peu l'historiographie française et qui lui a fait faire cette étrange tête à queue dans les années 90, au moment, effectivement, où beaucoup de pays prenaient le train de l'histoire, de la global history, de l'histoire mondiale, eh bien, l'historiographie française, d'une certaine manière gênée par l'héritage brodélien, développait des raisons, bonnes ou mauvaises, en tout cas affirmées comme telles, de ne pas prendre ce train-là. Christian Grataloup, vous êtes un éminent géographe, professeur à Paris Diderot. Vous avez publié très récemment un très beau livre d'images et de textes qui s'intitule « L'invention des continents » chez Larousse. Christian Grataloup, digne héritier de Vidal de la Blache et peut-être de Brodel, je ne sais pas. Comment réagissez-vous à cette entrée en matière de Patrick Boucheron ? Il y a un paradoxe curieux à propos du moment où Brodel fermait ses fenêtres et le fait que les historiens aient un peu oublié l'héritage embarrassant, c'est que dans une certaine mesure d'autres, et en particulier des géographes, l'ont repris. Ça me frappe par l'usage du mot géohistoire qui m'est effectivement un usage fréquent et dont je ne suis pas le seul géographe à utiliser beaucoup le terme de géohistoire. Et c'est un mot qui est plus beaucoup utilisé en histoire mais oui, qui est beaucoup utilisé en géo. C'est un peu vrai aussi en économie. Donc vous avez là quelque chose qui est un paradoxe et qui est d'autant plus paradoxal que en même temps les géographes sont toujours pleins d'avoir été maltraités par Brodel qui les avait beaucoup utilisés et utilisés en les ramenant l'espace au temps long. C'est-à-dire un espace quelque chose de quasi immobile, mais c'était peut-être effectivement en ce sens-là un digne héritier de Vidal de la Blache. Il reprenait une géographie qui aimait beaucoup le temps très long, la dernière phrase du tableau géographique de la France de Vidal de la Blache, qui fait allusion au fait que sous le clapotis de l'eau il y a le fond et que quand le clapotis cesse, la transparence permet de voir le fond. C'est une belle image de ce qu'est le message de sa géographie, c'est-à-dire le dur, le solide, la nature, en fait, de ce qui est lié dans la société à la nature, et ça c'est le temps long brodélien. Alors de même qu'il existe l'histoire profonde, et il y a une géographie profonde ? Il n'y a qu'une géographie profonde, de ce point de vue-là, pour Brodel. Il n'y a pas de géographie superficielle. Le superficiel, c'est le politique, l'un peu intermédiaire, c'est l'économique, c'est les temps courts et moyens, et puis la géographie, c'est le profond, oui, effectivement. Jean-Frédéric Schaub, vous êtes directeur d'études à l'EHESS, vous avez participé à l'ouvrage qu'a dirigé Patrick Boucheron. Et alors, vous êtes historien. Vos axes de recherche ? Je travaille sur les mondes ibériques, aussi bien de langue espagnole que portugaise, aussi bien en Europe que dans l'Atlantique américain, et plutôt à l'époque moderne. Et donc, je suis, par définition, un lecteur de Brodel, comme tout historien, en général, mais en particulier sur les objets qui m'intéressent dans ma recherche empirique. Et concernant la notion de civilisation sur laquelle nous sommes en train de discuter, je crois, comme vous l'avez dit, que les leçons de la Sorbonne de François Guizot ont certainement été une lecture du jeune Brodel, mais il me semble qu'il y a une étape tout à fait essentielle dans l'histoire intellectuelle française autour du Centre international de synthèse, qui est l'un des lieux de formation de ce qui sera l'école dite des annales, en tout cas celle des fondateurs de la revue. Et il se trouve que le Centre international de synthèse, en 1931, publie les résultats d'un certain nombre de journées d'études consacrées précisément à la notion de civilisation. Et ce que l'histoire intellectuelle française retient essentiellement de cette rencontre sont sans doute les deux articles majeurs de Marcel Mauss d'un côté pour l'anthropologie et la sociologie et celui de Lucien Febvre consacré à cette question. Et en fait, dans le débat intellectuel français, la réflexion sur la notion même de civilisation prise dans les sciences humaines s'est poursuivie aussi bien du côté de la sémantique historique, je pense également à un article très célèbre de Benveniste, et beaucoup plus récemment le linguiste Benveniste, et beaucoup plus récemment un texte qui résume en quelque sorte ce long travail d'élucidation en termes de sémantique historique, qui est un très bel article de Jean Staromanski sur la notion de civilisation. Donc il y a une longue tradition qui court en parallèle de ce qu'aurait été la recherche dans des grands chantiers comme ceux de Brodel. Vous savez que Brodel, dans un célèbre article consacré à l'histoire de ce mot, un article paru en 1959, citait cette phrase quand même assez étonnante de Karl Marx en 1848 dans le manifeste du Parti communiste. La société a aujourd'hui trop de civilisation, c'est-à-dire trop de moyens de subsistance, trop de commerce. Et après avoir cité cette phrase, Fernand Braudel se réjouit malgré tout parce qu'il dit le mot, c'est assez bien défendu. Et finalement, il opte plutôt du côté de Nietzsche, qui, comme on sait, est un grand défenseur du mot, et puisqu'il va même jusqu'à parler de civilisation française. Alors, on va pas reprendre l'histoire de ce mot dans le détail, mais toujours est-il que Fernand Braudel, lorsqu'il écrit cet article en 1959, le fait aussi contre une certaine vision de l'histoire des idées. Il dit, moi, l'histoire des idées, à la manière de Léon Brunswick, Étienne Gilson, ce n'est pas du tout mon fort. Je refuse l'autonomie de l'histoire des idées. Et l'usage qu'il va faire du mot civilisation et du mot culture, d'ailleurs, est-ce qu'il faut les distinguer? Lui a plutôt tendance à ne pas les distinguer, et est évidemment Patrick Bouchon, un usage historique, c'est-à-dire que ça va servir, disons, sa lecture de l'histoire, de ce qu'il appelle parfois la grande marche des civilisations, Patrick Bouchon. Oui, je pense que l'usage, quand même assez incertain, on peut en discuter et on peut effectivement reconstituer sur une longue durée, en tout cas celle de sa vie académique, les différents sens qu'il a pu donner au mot civilisation. Mais il faut le dire, comme souvent chez Braudel, il y a un flot d'écriture. Il écrit énormément, le mot revient énormément, mais du point de vue philosophique, le rapport précis que la notion de civilisation chez lui entretient avec ce que Marcel Mauss en a dit, ce que Durkheim en a dit, etc., n'est pas très clair. Prenons un exemple simple, le rapport entre civilisation, société, culture. Dans bien des textes, il les étage. Il considère, au fond, qu'on aurait trois niveaux, les empires, les civilisations, les sociétés, et que les cultures seraient, au fond, des sous-civilisations. Dans la grammaire des civilisations, c'est très net. Une culture n'aurait pas, je dirais, la ténacité, la densité d'une civilisation qui se caractériserait, et c'est un des soucis chez Braudel, par son imperméabilité, par son invulnérabilité, au fond. La civilisation, c'est ce qui reste, c'est ce qui demeure, c'est une catégorie de l'invariance. Une catégorie... La permanence de l'invariance. De la permanence, oui, oui. Voilà. Et ça, c'est difficile. Voilà ce qu'il dit à propos de cette distinction civilisation-culture. « J'ai l'habitude, bonne ou mauvaise, évidemment je la crois bonne, de confondre les deux mots, civilisation et culture, et le cas échéant de les employer l'un pour l'autre, ce qui revient à refuser leur querelle toujours ouverte, l'esprit d'un côté, la matière de l'autre, la collectivité d'un côté, l'individu de l'autre. » Christian Gratalou, alors la géographie, où elle se trouve dans tout ça? Alors, je vais commencer peut-être par une carte, ce qui est assez logique. Ça doit être page 70-71 du triple ouvrage de 1979, Civilisation matérielle, économie, capitalisme, où il y a une carte faite par un anthropologue états-unien, je crois, Hughes, qui est sur les sociétés avant les découvertes européennes, donc au 15e siècle, qui a été beaucoup, beaucoup réutilisée par d'autres, entre autres, je l'ai fait, je l'ai republié. C'est une carte de 1950, qui est totalement évolutionniste. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, on ne peut plus la refaire et en même temps, on ne peut plus en passer aujourd'hui. Et c'est une carte où justement Braudel refait la légende, suivant un modèle qui va des chasseurs-cueilleurs, donc des paléolithiques, aux sociétés denses à charrues, et il met les éleveurs, les nomades, en position intermédiaire entre les agriculteurs et les chasseurs-cueilleurs, ce qui est absurde. Ensuite, il hiérarchise les sociétés d'agriculteurs entre les cultures et les civilisations. C'est-à-dire que là, la distinction a un sens très matériel et technique, dès ce que, justement, le géographe Gourou appelait, qui était un des proches, appelait les techniques d'encadrement, et qui différenciait les sociétés, qui est l'encadrement de la nature. Les cultures, c'est en gros les sociétés à arrière ou à bâton à fouir, donc les Aztèques, les Incas et même une bonne partie des sociétés méditerranéennes. Et les civilisations, c'est la charrue, le labour profond, c'est la rizière, c'est effectivement l'agriculture européenne. On est dans une vision extrêmement matérialiste, ce qui est assez classique chez Brunel, à base rurale, à base paysanne, de classement des sociétés. Là, il ne confond pas culture et civilisation. Jean-Frédéric Chaume. Oui, et dans la grammaire des civilisations, il y a également un élément mais qui est tout à fait corollaire de ce que viennent dire mes deux collègues, qui est la question de la ville. C'est-à-dire que là, il y a un élément discriminant qui est aussi un élément évidemment de vie matérielle. Ce qui caractérise les civilisations, c'est aussi la dualité qui s'installe dans certains processus entre un monde de l'urbain et ses arrière-pays. Et c'est l'interaction entre les deux qui permet de consolider quelque chose qui est de l'ordre de l'institution de la politique, de l'institution des langues et des cultures, et ainsi de suite. Et je pense que là, il y a quelque chose de très marquant dans sa présentation de la grammaire des civilisations, et en même temps extraordinairement classique. Mais un mot quand même sur cette grammaire des civilisations, c'est pas évident. Une syntaxe, un découpage des aires culturelles, qu'est-ce qu'il faut entendre par le mot grammaire ? Je pense que ce qu'il faut entendre par le terme grammaire, c'est un titre tout à fait pertinent pour un manuel. Une grammaire de la langue, c'est un outil qui permet de donner les clés d'entrée dans l'intégralité de la langue. Et la grammaire des civilisations, c'est la porte d'entrée qui donne les clés d'une intelligence du monde. C'est de ça dont il s'agit, me semble-t-il. Patrick Bouchon. Oui, il faut juste préciser une chose pour nos éditeurs, qui est une question chronologique, qui est essentielle. C'est que La grammaire des civilisations est un livre qui paraît sous ce titre en 1987, donc un livre posthume, qui reprend la partie centrale d'un manuel rédigé en 1963, ce qui pose un problème intéressant qui est le fait que Brodel est véritablement un instituteur de l'histoire enseignée, hein, et que toute sa vie, il a été présent sur ce terrain-là, hein, le terrain pédagogique. Donc, un livre paru en 1987 qui reprend un texte de 1963 qui est pensé en fait avec un outillage mental, pour reprendre une expression de l'école des annales des années 30. Donc il y a un effet comme ça de vertige chronologique qui explique la difficulté que les historiens ont avec ce livre, qui paraît à contre-temps, c'est-à-dire qui paraît à un moment où les historiens n'écrivent plus, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, hein, ces histoires très larges, très amples. Et donc, ça paraît comme une sorte d'antidote, mais une antidote qui est en fait rétroactive à une histoire en miettes. Christian Grataloup, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, sur l'histoire en miettes. L'histoire en miettes, bon, c'est une expression reprise à François Doss, je crois, oui. 63 me semble important pour deux points. La première, c'est que nous sommes dans la période structuraliste et que le mot grammaire n'est pas innocent. C'est l'idée, effectivement, d'une construction, d'une déconstruction. En même temps, Brodel a des relations complexes avec le structuralisme. Il le pose, d'ailleurs, sa triple temporalité un peu comme un contre-feu. C'est d'ailleurs François Doss qui a effectivement analysé ce genre de choses. Mais 63, c'est aussi, sur un des plans peut-être plus très concrets, sociaux, effectivement, un manuel scolaire de la réforme de 63, dont il ne faut pas oublier qu'elle est celle qui marque la coupure, qui plutôt fait écho à la coupure du lycée, qui n'est plus de la sixième à la terminale, dans lequel l'histoire se déploie dans un modèle évolutionniste de la préhistoire, qu'on traitait encore peu, jusqu'aux temps les plus récents, qui étaient au mieux 45. Donc, on avait un modèle linéaire qu'on pouvait traiter sur 7 ans. La coupure entre le CES-COG et le lycée, entre la troisième et la seconde, a provoqué une rupture qui a posé des problèmes qui ne sont toujours pas résolus, d'ailleurs, au programme d'histoire. Aux autres aussi, mais entre autres au programme d'histoire. L'histoire littéraire aussi. Hein. Et cette rupture, elle est traitée par, justement, l'appel à Brodel. C'est-à-dire à l'appel à quelque chose qui est vu comme plus intemporel que sont les civilisations. Et le programme de 63, pour lequel Brodel fait cette partie de manuel, est largement inspiré par lui-même. C'est-à-dire qu'on a justement l'idée. Alors, ce qui est par ailleurs intéressant, c'est de se demander pourquoi ça a totalement échoué, cette introduction. C'est-à-dire qu'il y a eu une résistance de tout le système scolaire pour bloquer cette introduction de cette intemporalité civilisationnelle. C'était en terminale, et ça n'était ensuite, ça a été éliminé du bac. Donc, quelque chose qui est en terminale, mais pas au bac, ça disparaît. Comment vous expliquez le fait que la notion de guerre des civilisations, qui a été remise sur le tapis par le livre de Huntington, là vient de paraître récemment un livre du philosophe Marc Crépon sur ce problème, la guerre des civilisations, la culture de la peur, tome 2, on réédite avec de nouvelles préfaces le livre de Freud, Malaise dans la civilisation. Alors tout ça pour dire que d'un côté on peut dire que oui, le terme tombe et l'usage même de la notion, enfin, et en tant que concept analytique, semble s'effacer pour les historiens, mais peut-être pas pour les autres, Patrick Boucheron. Ben, il y a aussi un dernier élément de contexte à considérer dans cette année 63, c'est la décolonisation. Et ça, c'est très important dans l'histoire intellectuelle de Braudel. Je reviens à votre question, hein, mais par ce détour-là. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, Braudel est notamment dans l'historiographie américaine, un peu au purgatoire, on l'accuse de tout, de ne pas avoir été féministe, de ne pas être... Bon, en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il n'a pas été anticolonialiste. C'est vraiment pas son combat. Bon. Et la grammaire des civilisations sert tout de même à hiérarchiser les différentes aires. Donc, dès lors, c'est ce qui rend ce livre aujourd'hui embarrassant pour un certain nombre d'historiens, mais aussi désirable pour toute une partie de l'opinion. Et c'est ce qui explique effectivement le revival brodélien actuel sur l'usage politique, l'instrumentalisation, qui est évidemment un mésusage de Braudel. Vous faites référence à Henri Guénaud ? Par exemple, oui. Par exemple. Enfin, on pourrait en discuter. Vous pouvez préciser. Alors, Jean-Frédéric Chaume ? Oui, enfin, effectivement, en relisant, pour préparer cette émission, le chapitre sur l'Afrique, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au fameux discours de Dakar. De Dakar. Ouais, très, très directement. Pour revenir tout de même sur un point qu'a souligné Christian Grattelou, en effet, il y a eu un échec, au sens où le corps enseignant a refusé, à cette époque, cette perspective. Mais il me semble tout de même que, beaucoup plus tardivement, c'est-à-dire au cours des 15 dernières années ou des 10 dernières années, il y a tout de même une sorte de victoire posthume, si ce n'est du projet intellectuel de Braudel tel qu'il s'exprime en 63, en tout cas de la volonté d'enseigner les jeunes gens des lycées en fonction d'un cadre d'analyse qui dépasse très largement l'hexagone. C'est-à-dire que ce qui est enseigné, à dire vrai, pour dire les choses simplement, de la seconde à la terminale, ça n'est pas du tout l'identité de la France. Aujourd'hui, les programmes officiels que s'est donné la République française ou le ministère de l'Éducation nationale depuis quelques années, ces programmes sont caractérisés par une ambition de très grande transversalité, c'est-à-dire qu'on étudie des grands problèmes, des crises économiques, des mouvements politiques internationaux et ce genre de choses. Et faites le décompte du nombre d'heures que le maître ou le professeur est supposé enseigner l'histoire de France de la seconde à la terminale, c'est peu de choses et c'est très bien comme ça. Christian Grattelou, donc le géographe, lorsqu'il étudie non pas la dérive des continents, mais les continents en eux-mêmes, de l'Océanie à des continents comme l'Europe, et qu'il tente justement de comprendre le lien qui existe entre les parties du monde et les continents, comment il inscrit ou pas la notion de civilisation dans ce découpage? Ah, très facilement. Oui, justement parce que c'est un paradoxe. C'est-à-dire que les continents correspondent particulièrement, il y a d'autres exemples, mais correspondent particulièrement à une sorte de fonction de la géographie qui est de naturaliser des idées sociales, historiques. Et les continents sont un découpage du monde, un découpage du monde dont il est assez facile, j'ai essayé de le faire, de montrer que c'est une histoire très européenne, et qu'elle sert à montrer qu'il y a une, alors disons civilisation, grande société, une grande ère culturelle qui est l'Europe, et qu'à partir de là, l'Europe construit, parce qu'elle construit effectivement le monde, elle réussit à imposer sa vision du monde sous une forme cartographique, qui donc apparaît comme neutre, technique, alors qu'il ne s'agit juste que d'un nous, l'Europe, avec des projections qui sont au sud de l'Afrique, à l'est l'Asie et à l'ouest l'Amérique. C'est une vision en pétale, qui n'est pas très éloignée de ce que la vision que les Grecs, avec les climats, avec les angles, que les Romains pouvaient avoir, hein, et que beaucoup de sociétés ont. Il y a un nous, et puis il y a un ailleurs qu'on organise en fonction des directions. Là où c'est particulièrement être, puisqu'on a parlé d'Afrique, c'est justement l'Afrique qui s'est mise à exister comme un être réel, comme une civilisation. Même autant de temps, et Braudel la classe comme telle, alors qu'il s'agit d'une catégorie intellectuelle projetée par l'Europe sur des sociétés qui se le sont dans une certaine mesure appropriées et appropriées dans un terme de souffrance. Christian Grataloup, à la fin d'un chapitre intitulé « Nous et les autres » dans votre livre « L'invention des continents », vous mettez en rivalité le musée du Quai Branly et le musée de l'Homme à Chaillot. Et ce n'est pas sans rapport avec l'idée de fin des grands récits, et peut-être de fin des grands récits civilisationnels. De quel côté aurait été Fernand Braudel ? Certainement des deux, parce que vous savez qu'il adorait terminer ses paragraphes. Pourquoi des deux ? Expliquez-nous. Il aimait beaucoup terminer un paragraphe en disant « et réciproquement ». Ah d'accord. Et ce qui permettait effectivement d'embrouiller, de dire que... La première chose... Mais expliquez pour les auditeurs. Alors, quand même. Musée de l'Homme, c'est 1937, on est dans le contexte du Front Populaire, c'est des gens très progressistes, ils l'ont d'ailleurs prouvé pendant la guerre, ceux qui ont fondé le Musée de l'Homme, le premier réseau de résistance. Et c'est un modèle qui, pour nous, est totalement obsolète, c'est-à-dire un modèle évolutionniste. C'est une galerie de l'évolution, il faut d'ailleurs pas oublier que le Musée de l'Homme est un prolongement du Muséum. Donc une galerie d'évolution biologique, on passe à l'époque, on remontait à 1 million d'années, maintenant on monte au-delà de Lucie, et cette évolution devient technique puisqu'on passe aux outillages. On commence à la guerre du feu et on finit au salon des arts ménagers, c'est ça que vous voulez dire ? C'est-à-dire que c'est, mais de manière plus majestueuse, c'est un progrès de la civilisation. Vous voyez, on retrouve. Au singulier. Inversement, le musée du Quai Branly, lorsque, au début, à la fin des années 90, au début des années 2000, on commence à se poser la question du classement des collections, il est bien évident qu'on ne peut plus l'envisager en termes évolutionnistes, ça n'est plus pensable. On ne peut même plus employer le terme « art premier ». Dans cette perspective-là, qui avait été sa première dénomination. Donc, la seule solution consiste à le classer géographiquement. Ça apparaît comme plus neutre, comme des effets de proximité, et comme quelque chose qui ne met pas en jeu une hiérarchie que l'évolution produit nécessairement, puisqu'il y en a qui sont en avance et d'autres en retard, comme dans le modèle sous-développé, en voie de développement. Donc, on va utiliser le découpage apparemment le plus neutre, et de fait, le musée dont tout le monde oublie le nom, en général, et qu'on appelle le musée du Quai Branly, mais il s'appelle officiellement le musée des civilisations des Amériques, ça c'est quasiment un anglicisme, d'Afrique, d'Asie et d'Océanie. C'est une notion très intéressante, l'Océanie. Il est bien précisé, d'ailleurs, dans les textes initiaux, que l'Europe n'est pas en jeu. Il est même dit pour cause de profondeur historique trop grande. Vous voyez, Christian Grataloup, les civilisations, ou comment s'en débarrasser hein ? Et elles reviennent par la fenêtre, oui, ça, bien sûr. Patrick Bouchon. Oui, c'est très intéressant, effectivement, ce que Christian Grataloup dit, parce qu'on voit bien, il a lâché le mot « la civilisation ». Et le problème est là. Le problème est que cette grammaire des civilisations, elle met au pluriel une catégorie de l'universel. Et que Fernand Braudel, c'est étrange, parce qu'on dit, ben, évidemment, le concept de civilisation, c'est un concept impérialiste. Il est du fait de ses accointances avec l'histoire coloniale, mais il l'est surtout du point de vue disciplinaire. C'est une manière, pour Braudel, d'affirmer la place de l'histoire au cœur de l'empire des sciences sociales et de l'histoire économique au cœur de l'empire de l'histoire. Bon. Et dès lors, ça peut paraître paradoxal de dire qu'il est idéaliste, mais il l'est du point de vue hegélien, parce qu'il pense aussi, malgré tout, qu'il y a derrière les civilisations la civilisation, dont il s'agit de faire le récit. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, ultimement, Fernand Braudel, on peut discuter effectivement son indétermination théorique, mais ce pourquoi il a effectivement été si lu, c'est par son art du récit. Et dans ce récit, la civilisation agit, elle est un acteur du destin collectif. Jean-Frédéric Chaube. Oui, il me semble, pour poursuivre la réflexion de Patrick Boucheron, au fond, on peut sauver le mot civilisation en insistant précisément sur le fait que, très rapidement, disons, pendant ces 50 premières années d'existence, ce mot signifie deux choses exactement contradictoires, et c'est ce qui en fait en réalité la force. Et c'est-à-dire que, bien entendu, il y a ce... De l'existence du mot. Du mot et même de la notion, parce que, au singulier, on est dans un paradigme également décrit par Christian Grataloup à propos du Musée de l'Homme de l'évolutionnisme, c'est-à-dire l'idée que toute formation humaine, sociale ou pas, a vocation à rejoindre un flot commun qui est celui de l'acquisition d'un certain nombre de normes et qui concerne virtuellement l'ensemble de l'humanité. Et puis, il y a très très rapidement un usage pluraliste du terme qui consiste à parler des civilisations au pluriel. Bon, Braudel, dans la grammaire, dit que cette pluralisation du terme date de 1819. Peu importe le moment exact à partir du moment où ceci fonctionne, mais le fait est que les Européens, qui sont les inventeurs de ce terme-là, inventent un mot qui permet à la fois de décrire un processus évolutionniste unique et la pluralité des situations constatées sous le regard des historiens, des anthropologues, des ethnologues, des sociologues, des philosophes, etc. C'est ça la force du terme. C'est-à-dire que le terme dit une chose et exactement son contraire. Et je crois que c'est dans le recueil de 31 qu'il y a cette réflexion très très amusante sur la manière dont on décrit la société des Huns, Attila, qui est à la fois le fléau de la civilisation romaine, et les archéologues qui font des fouilles dans l'est de la France cherchent des traces de la civilisation des Huns. L'expression de la civilisation des Huns est apparue à un moment donné, ce qui est quand même quelque chose de très amusant et qui prouve au fond que c'est la ductilité, la mollesse de ce concept de civilisation qui en fait l'extraordinaire force historique puisqu'il est toujours parmi nous. Alors, ce qui est étonnant chez Fernand Braudel, c'est que cette longue marche des civilisations que j'évoquais tout à l'heure, il la recherche toute sa vie. Il y a un article qu'on trouve dans les Mémoires de la Méditerranée qui est consacré justement à la Grèce avant la Grèce, à la Méditerranée avant la Méditerranée. Et il dit la longue marche jusqu'à la civilisation, voilà qui conduit à penser qu'à côté d'une révolution agricole, il y a eu, lors des premiers démarrages de la civilisation, une révolution de la circulation. On voit bien là, par le mot démarrage, comment se met en place, justement, peut-être cette forme de téléologie, non ? Christian Bataloux. D'abord, la Méditerranée a joué un rôle, là aussi, de bassin naturel de la civilisation que dont Braudel a été le chantre. Ce Lorrain a eu un coup de foudre quand il a été nommé au lycée d'Alger. Donc il y a effectivement quelque chose qui est presque passionnel entre la Méditerranée, Braudel et l'idée de civilisation. Comme maman des civilisations, je crois que l'expression est de Dominique Fernandez. C'est effectivement ainsi qu'il le voit. Et c'est les civilisations, dans la mesure où il a un modèle diffusionniste en tête, ce qui est normal pour un homme de son époque, où il y a par contamination progressive les civilisations qui se déploient à partir de la civilisation initiale, évidemment en la situant un peu, en annexant le Proche-Orient à la Méditerranée. À partir de là, il a une vision qui permet de tenir les deux termes de la contradiction avec le fait que, au fond, l'humanité à une civilisation qui se fractionne en plusieurs civilisations. Mais là, on est au cœur d'une question qui fait que le mot civilisation est essentiel pour nous, qui est toujours un débat entre nous et les autres, c'est-à-dire comment le fait qu'il n'y ait qu'une seule humanité aujourd'hui, c'est pour ça que c'est une question sociale que vous abordez, se fractionne en plusieurs sociétés et comment gérer ces différentes sociétés alors que l'humanité, ce qu'on appelle la mondialisation, a des éléments d'une société mondiale. Ce jeu sur le singulier et pluriel est un problème d'enjeu qui permet de penser le monde, dont Huntington, dans l'une des réponses les plus élémentaires, les plus basiques possibles, mais de ce fait efficaces. Patrick Boucheron, comment établir un lien entre l'idée de civilisation et celle de mondialisation ? Ça, c'est une vraie question, et c'est une question qui est difficile parce que, pour Braudel, je pense que, et ça a été bien dit, du fait de son histoire intellectuelle, personnelle, affective, peut-être, avec la Méditerranée, avec l'Amérique latine également, enfin, en tout cas le Brésil, il y a l'idée que, encore une fois, dans un flot, disons, de globalisation, l'historien doit classer. La grammaire des civilisations, c'est un principe de classement, dit-il. Et un classement qui est ordonné et qui est hiérarchisé. Ce qu'on peut attendre aujourd'hui de l'histoire mondiale, la global history, etc., c'est de désorienter nos certitudes. C'est évidemment de critiquer le point de vue dont nous parlons tous, qui est le point de vue occidental sur le monde, qui construit son objet avec ce masque de l'apparente neutralité de sa description. Et évidemment, toute le mouvement auquel vous faites allusion de la world history consiste effectivement à inquiéter nos certitudes occidentales. De ce point de vue... Vous avez une phrase qui est amusante. Il ne faut pas oublier que la première mondialisation est le fait des Mongols. Voilà qui est clair. Oui, ça, c'est effectivement Christian Grattalo qui pourrait mieux en parler. Hein. La connexion de l'ancien système monde. Hein. Ouais. Mais Fernand Braudel, bon, c'est quand même aussi la force de ce livre, hein, Grammaire des civilisations. Il parle de tout ça. Il parle de tout ça à un moment, d'ailleurs, où le terme de civilisation, il faut peut-être le dire, est devenu un objet éditorial. C'est-à-dire que de cette matrice Henri Behr, etc., la revue de synthèse, est sortie effectivement les différentes grandes collections. Il est intéressant d'en rappeler les titres. L'évolution de l'humanité. Oui, Albin Michel. Peuple et civilisation. Et ensuite, sous l'impulsion de Braudel, la civilisation médiévale par Jacques Le Goff, la civilisation de la Renaissance par Jean Delumeau, la civilisation des Lumières par Pierre Chenu. Donc ça devient une... C'est cohérent. Et oui, ça devient une évidence éditoriale du fait même de cette répétition des titres. Aujourd'hui, effectivement, l'histoire mondiale, me semble-t-il, enfin en tout cas on pourrait en discuter, elle a pour vocation de désordonner ce que Braudel avait hiérarchisé. Parce que, au fond, dans la grammaire des civilisations telle qu'il la pensait, la prééminence de l'Europe en sort renforcée. Jean-Frédéric Chauve. Oui. Et pour poursuivre la réflexion de Patrick Boucheron sur ce point, je dirais que dans le rapport entre civilisation et mondialisation, question que vous posiez il y a un instant, tel que ça peut être mis en jeu dans la grammaire des civilisations de Braudel, il y a quelque chose qui est très très frappant, eu égard aux questions qui intéressent le monde académique, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis par exemple, depuis fort longtemps. Il y a un thème qui, pour nous aujourd'hui, est absolument évident dès lors qu'on travaille sur l'interaction de sociétés à cultures distinctes les unes par rapport aux autres et qui est complètement absent du questionnement de Braudel, c'est la question l'invention culturelle d'une hiérarchie des races par l'Europe. La question des origines intellectuelles et des procédures politiques et juridiques de hiérarchisation des peuples en fonction de critères raciaux et biologiques qui a joué un rôle tellement fondamental depuis 5 siècles dans ce qui a été l'expansion européenne à l'extérieur et à l'intérieur de l'Europe elle-même, est complètement absent de la réflexion de Braudel, y compris, j'ai vérifié, dans le chapitre consacré aux États-Unis d'Amérique. Il y a bien un paragraphe sur la guerre des sécessions et sur l'abolition de l'esclavage. Il y a bien, le terme de discrimination apparaît bien sous sa plume, parce qu'il y a le mouvement, évidemment, des droits civiques aux États-Unis à peine une dizaine d'années auparavant, mais la question de la race, du racisme, est complètement absente de sa perspective. Du racisme et du racialisme. Ah oui. Christian Grattalon. Oui, les races ont été un moyen de découper l'humanité et de faire du classement. C'est pas sans rapport avec les continents, hein, puisque moi qui suis le plus vieux ici, j'ai appris à l'école qu'il y avait une race blanche, une race jaune, une race rouge et une race noire, avec des photos. On a là un vieux découpage qui ne les hiérarchisait pas d'ailleurs, hein, c'était pas forcément dans une perspective strictement évolutionniste, mais c'est effectivement un modèle de découpage du monde, qui est tout à fait lié à un découpage cartographique, hein, une vision spatiale du monde. Donc, race et civilisation, c'est un vieux couple. Effectivement, un couple tout à fait dangereux. Mais aujourd'hui, on a pris l'habitude, effectivement, de le déconstruire. Dans un contexte post-colonial, on ne va pas reprendre ces éléments-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est néanmoins en panne de classement, hein, de critères de classement, pour trouver des manières d'organiser les types de sociétés. C'est quelque chose qui permettrait de parler effectivement d'une vision postmoderne de la question des civilisations. Jean-Frédéric Chauve. Oui, mais puisque Christian Grattalou fait allusion à un enseignement un peu ancien, je cite page 466 de la grammaire des civilisations, une description de l'Amérique du Sud. L'histoire a mis là, côte à côte, les trois grandes races du monde. Jaune, entre parenthèses, les Indiens faussement baptisés rouge, noir, blanche. On est encore dans cette idée. Alors, Patrick Boucheron, vous reprenez quand même parfois des expressions qui sont proches de celles de Braudel. Braudel qui, à propos de la Méditerranée, en parlait comme une personne, comme un personnage. Vous dites à propos de Tamerlan, vous avez déclaré que c'est le personnage monde. Hein, essayer de d'illustrer cette idée de mondialisation qui autre qui aurait été possible. Alors il y a celle des Mongols, il y a celle de Tamerlan, et cette lecture que vous faites de façon très très très transversale, enfin du monde au XVe siècle, en quoi se démarque-t-elle justement de l'héritage brodélien? Tamerlan, oui, on peut dire que il agit parce que c'est un homme. Donc dès lors, dire Tamerlan c'est un personnage monde, ce n'est pas tout à fait la même chose que de dire que la Méditerranée est un personnage monde. Bon. Là, vous faites allusion à l'introduction de ce livre, l'histoire du monde au XVe, où je ne fais que rassembler ce que 80, presque 80 de mes collègues et amis ont écrit dans ce livre. Et dans ce livre, effectivement, il se clôt par un index et il se trouve que lorsqu'on compte les mots, mais ça c'est à la fin qu'on s'en rend compte, mais Tamerlan est l'homme qui revient le plus. C'est celui qui est le plus cité par à la fois l'auteur des chapitres sur la Chine, l'auteur des chapitres... Bon, ce qui est normal, puisque effectivement c'est celui dont le monde a le plus entendu parler. Mais c'est l'ancien monde. Il est au centre. C'est l'ancien monde. C'est effectivement celui dont Christian Grataloup parle dans ses lieux d'histoire, dans sa géohistoire. C'est-à-dire effectivement la connexion du système monde ancien qui au fond fascinait Brodel. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est aussi de se rendre compte que on est dans un moment historiographique très singulier où l'histoire économique est dominante, alors qu'aujourd'hui elle est en régression. C'est très pourquoi c'est singulier, parce que cette génération-là a rêvé d'une histoire sérielle et quantitative alors qu'ils n'avaient pas les moyens de la mener. Nous avons aujourd'hui des ordinateurs, mais nous n'avons plus l'envie de nous en servir, en tout cas comme ça. Évidemment, les économistes le font. Bon. Et donc, dès lors, le récit des civilisations, il manque de ce moteur essentiel, qui est, il ne faut jamais l'oublier, pour Fernand Braudel, le carburant, ce sont les échanges, c'est la circulation des idées, la circulation des marchandises, et la route de la soie est, de ce point de vue, je dirais, l'horizon onirique de l'école des Annales. Or, ce qui est tout à fait singulier, c'est de voir que lorsqu'on prend un siècle, et c'est cela qui distingue effectivement l'entreprise éditoriale à laquelle vous faites allusion, l'histoire du monde au XVe, c'est que c'est juste un siècle, ce n'est pas une longue durée, eh bien on se rend compte que Samarcande est le centre vide de l'univers. C'est-à-dire que effectivement, on est dans un système qui est un système spatial qui va au fond se structurer à partir de ses marges, et que le vieux centre, le centre du vieux monde, qui est celui qui faisait rêver l'histoire des réseaux, des marchands et de la circulation des biens, eh bien ce n'est pas le foyer de la mondialisation, mais c'est au contraire le point de départ, le faux départ de ce XVe siècle, qui commence véritablement à la mort de Tamerlan en 1405 et qui, d'une certaine manière, va se construire sur d'autres bases. Est-ce que vous gardez toutefois de Braudel, c'est cette idée de possibilité, d'histoire possibiliste? Oui, sans doute, mais avec l'idée que le récit s'en trouve morcelé. Il n'est pas indifférent que le livre auquel vous faites allusion est un livre à plein de voix et qui ne développe pas un seul et grand récit. Christian Grataloup. Oui, vous avez dit possibiliste. Donc, tiens, Fèvre. Voilà, et c'était pour le géographe en l'occurrence, puisque c'est le paradigme que l'on prête à l'école classique française, celle de Vidal de la Blache. C'est-à-dire l'idée que les hommes vivent en fonction du contexte milieu naturel dans lequel ils sont, qu'ils peuvent aménager, qu'il y a des possibilités diverses, mais malgré tout, le champ des contraintes est très fort. Donc là, la grammaire des civilisations, c'est d'abord une carte du milieu naturel, c'est-à-dire... Et c'est une carte, et vous avez prononcé aussi le mot, ce sont des contraintes et c'est une tradition, parfois, chez Braudel. C'est aussi ça. Oui. Est-ce que les contraintes, c'est aussi bien les contraintes agricoles que les contraintes climatiques, que les contraintes... Que toutes les contraintes civilisationnelles, justement, civilisationnelles. Qui sont les réponses traditionnelles, par rapport à ce milieu, mais la civilisation ne se comprend que replacée dans son milieu, dans cette perspective-là. Ce qui explique le rôle... C'est parce qu'il y a milieu qu'il y a contrainte. Exactement, et ça explique le rôle des labours, des paysans, des éleveurs, de toutes les éléments qui font qu'il y a un rapport, effectivement, au climat. Une civilisation dans le Sahara, c'est pas la même chose qu'une civilisation dans les îles japonaises. Jean-Frédéric Chaud. Oui, à titre anecdotique, j'ai participé au... aux États-Unis à une rencontre concernant l'histoire des révolutions européennes au XVIIe et XVIIIe siècle. Ce qui était très frappant, j'étais je crois le seul étranger, c'est que chez nos collègues des États-Unis, au fond, dans tous les débats, il y avait deux modèles d'explication en opposition, assez fermes. Il y avait un modèle écologique. C'est-à-dire, la précondition d'une révolution, c'est une inadéquation entre les ressources exploitées et l'état de la démographie, en gros, pour dire les choses simplement. Et puis, il y avait une explication en termes politiques, c'est-à-dire, la précondition d'une révolution, c'est que l'État se modernise. C'est quand l'État se modernise qu'il provoque la révolution. Peu importe ce qu'on peut en penser. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'effectivement, nos collègues américains qui continuent, eux, à se poser des questions larges, ce qui est de moins en moins le cas peut-être chez nous, à l'exception peut-être de mes deux collègues ici, et de quelques autres, ils se posent des questions larges et, de manière tout à fait frappante, ce qui est en jeu, c'est une explication en quelque sorte politique versus une explication écologique. Et donc, on voit bien que tous ces débats, nous avons peut-être eu tendance à dire qu'ils étaient enracinés dans un temps relativement long de la vie académique, continuent à être des débats ouverts. Et ce qui n'est pas le cas, à votre avis, en France? Moi, j'ai le sentiment, mais purement intuitif, que globalement, nous sommes devenus un peu frileux et que les grandes questions, celles qui nous font courir des risques théoriques forts, c'est-à-dire y compris le risque du ridicule ou du démenti, nous font trop peur. Et il y a une sorte d'attitude, me semble-t-il, globale dans le monde académique français qui consiste à poser des questions limitées pour apporter des réponses limitées sur des objets limités. Patrick Boucheron, achevons cette discussion sur les civilisations quand même par Aristote au Mont-Saint-Michel, les racines grecques de l'Europe chrétienne, parce que ça, bon, alors ça a fait beaucoup causer l'Hexagone et son répondant, les Grecs, les Arabes et nous, qui était paru en 2009, avec un médiéviste, au cœur de la bataille, Alain de Libéra, qui était, et puis Christian Jambet, dont on pensait qu'il allait défendre plutôt le livre Les Grecs, les Arabes et nous, qui s'est mis du côté de Aristote au Mont-Saint-Michel. Enfin bref, c'était à n'y rien comprendre, Patrick Boucheron. Résumons peut-être la querelle en un mot. Oui, si vous y tenez absolument, c'est un livre qui a deux objets, qui a un objet limité, c'est-à-dire la question de la traduction des textes grecs, soit directement au Mont-Saint-Michel, en latin, soit indirectement par ce que l'ancienne historiographie appelait l'intermédiaire arabe, qui est un problème complexe et sur lequel Sylvain Guggenheim proposait des analyses qui ont été très critiquées sur le plan érudit. Et puis, il y avait un double fond dans son livre qui était précisément une grammaire des civilisations. Et c'est comme cela, le cinquième et dernier chapitre entendait généraliser, partir d'une petite histoire de traduction, une théorie générale des civilisations, dont Sylvain Guggenheim disait qu'elles étaient fondamentalement étanches et intraduisibles l'une à l'autre. Alors, la question de la... Un peu la thèse de Huntington aussi. Un peu. Alors, Huntington, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on dit Huntington aujourd'hui, c'est devenu un gros mot. Bon, Huntington, Le choc des civilisations, c'est un livre qui est contestable, mais qui n'est pas stupide. C'est vrai. Et c'est un livre qui pose le problème pour les gouvernements, puisque au fond, c'est cette tradition de la vie intellectuelle américaine qui s'adresse directement à ces gouvernements, de faire des choix de civilisation. Il y a des choix de civilisation à faire. Bon. Dans le livre de Sylvain Guggenheim, nous ne pouvons même pas faire ces choix, puisque, d'une certaine manière, la nature, les contraintes, en l'occurrence ici, puisqu'il n'y a plus évidemment de racisme que culturel, la langue, est une prison de longue durée. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'autre choix lorsque nous sommes chinois que de penser chinois parce que nous parlons chinois. Et c'est pour cela que les Arabes, non seulement n'ont pas traduit Aristote, mais ne pouvaient pas le traduire parce qu'ils ne pouvaient pas le comprendre, ils ne pouvaient pas le comprendre parce qu'ils parlaient une langue qui les rendait rétif à la philosophie. C'était ça la question. Bon, alors, je pense que le problème, il est largement réglé aujourd'hui, et la difficulté, c'est effectivement, en histoire intellectuelle, que les mauvais livres, on va quand même dire que ce livre n'était pas très bon, les mauvais livres peuvent être des bons objets d'histoire intellectuelle. Et comment rebondir? Comment penser ce que ce livre, Les Grecs, les Arabes et nous, appelle l'islamophobie savante? Et pour revenir à notre sujet, il y a dans ce livre un article intéressant de Blaise Dufal qui s'appelle « Faire et défaire les civilisations », l'histoire des civilisations, qui ramène au fond cette histoire à Braudel. Christian Grattel. Oh, c'était juste pour faire une remarque d'arrière-plan et pour sortir effectivement de la frilosité avec laquelle je suis tout à fait d'accord comme critique de notre champ académique français, bien trop français. C'était simplement pour rappeler que le rôle dans le temps très très long que pose à la pensée européenne l'existence de l'altérité musulmane, arabo-musulmane. L'image de l'autre, c'est-à-dire du barbare, du non-civilisé par rapport à l'européen, latin, chrétien, c'est largement, dans un temps très très long, construit sur cette opposition. Alors, ce qui est intéressant par ailleurs, c'est que ensuite une construction plurielle de la notion de civilisation s'est faite à partir du XVIe, quand il y a une découverte des autres. Quand on franchit l'Atlantique, quand on traverse l'océan Indien, et à ce moment-là, on trouve des autres qu'on ne connaissait que par oui dire, ou pas du tout. Et là, on a effectivement cette construction de la nécessité de les penser et l'amorce de cette idée de civilisation. Mais fondamentalement, ce couple qui va depuis les croisades jusqu'à Huntington, parce que ce qui est le message quand même central, en tout cas celui qui a été retenu dans le Huntington caricaturé, c'est que c'est une affaire entre eux et nous, ce eux étant les musulmans. Alors Jean-Frédéric Chaube, qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans l'héritage brodélien? Diriez-vous que c'est une pensée hégémonique de l'histoire ou que c'est quelqu'un qui... Ce qu'il y a de meilleur de mon point de vue, je reprends l'expression de Patrick tout à l'heure, c'est qu'il a ouvert les portes. Il a ouvert les fenêtres, il est tout ouvert. Et c'est en ça que son œuvre, à la fois comme auteur, comme bâtisseur d'institutions, comme quelqu'un qui a proposé des réformes de l'enseignement, etc., reste quelque chose, me semble-t-il, de tout à fait considérable. Et la question consiste à savoir si effectivement, on disait tout à l'heure que l'identité de la France était amorcée un mouvement de retour vers l'Hexagone ou de fermeture de ses portes et de ses fenêtres. J'espère qu'on n'en est pas vraiment là. Mais en tout cas, si moi, comme historien et comme enseignant, j'avais quelque chose à retenir de l'œuvre de Braudel, c'est cette impérative nécessité de sortir de l'Hexagone. Christian Grattelou, oui, sortir de l'Hexagone. Ce que Braudel, oui, tout à fait, ce que Braudel nous a appris, nous apprend. Vous, ça va avec les continents. Oui, mais c'est de penser à l'échelle du monde. Parce que même si les géographes ont l'habitude de faire de la géographie générale, alors qu'il n'y a pas d'histoire générale, ce n'est pas forcément l'échelle du monde, c'est des études thématiques diverses, c'est comme de l'histoire thématique. Donc Braudel, s'il a été beaucoup, il a eu un gros atout, c'est d'avoir été lu au-delà des historiens. Non seulement dans un grand public, mais par des économistes, et les économistes font toujours un grand usage de Braudel, par des géographes, par des anthropologues, par des sociologues, et de décloisonner géographiquement, de décloisonner disciplinairement. Et ça, c'est absolument essentiel, parce que il le faisait à une époque où il était de son époque, il pensait avec une France au centre du monde, au centre de la civilisation, comme on faisait dans les manuels scolaires d'il y a un siècle, mais et au centre des terres émergées, le manuel allait jusque là, mais en même temps, même s'il est dans un état de mesure obsolète, l'échelle à laquelle il nous a situés, c'est la bonne aujourd'hui. Merci Patrick Boucheron, merci Christian Grattelou, merci Jean-Frédéric Chaube. Quant à nous, nous allons poursuivre cette grande traversée, cette matinée, en nous dirigeant vers Dubrovnik, la traversée de Fernand Braudel en 1936. À Dubrovnik, au miracle, tout était conservé, construction des navires, mouvement du port, assurance, voyages commerciaux dans l'intérieur des terres. On avait l'image d'une ville-État assurément modeste mais indépendante, et cette image se projetait sur les autres centres de la mer. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si je n'avais pas été à Dubrovnik. Grande traversée, Fernand Braudel, l'historien monde, par Philippe Petit. J'ai été aux prises avec des problèmes de mise en place J'ai superposé les échelles, ou je les ai utilisées les unes après les autres, et je pense que j'ai laissé comme cela, entre les images que j'ai données, des masses de faits, de réalités, de choses importantes qui restent dans la nuit et qui sont forcément, je dirais, une masse historique. Je ne nie pas du tout que ce soit une masse historique. Or, la curiosité que j'ai vis-à-vis de l'histoire profonde et de l'histoire longue, c'est que personne ne fait ce métier de scaphandrier pour aller voir ce qui s'y passe. Dubrovnik, vie et destin d'une république maritime. Vous mettez vos gants là, pour ouvrir le trésor. Ce sont deux livres avec les documents des archives. Sur lesquels Monsieur Fernand Brandel a travaillé. Ovo je arhivski fond koji se zove Lettere et Commissiones, pisma i upute Dubrovačke vlade. Donc ce sont des lettres qu'on appelle les lettres de commission de Levant 1451-1452. Evo, dakle pročitali ste i godine, lijepo. Ovo je iz serije Litere et Commissionis Levantis, dakle pisma i upute na istok. Donc ce sont des lettres, Zoran Perovic, et des conditions qui ont été dirigées ou envoyées aux parties du monde du côté est. Levant, ova je, dakle, le iz Levant. 15. stoljeća. Elle est du 15e siècle. A ova druga et je iz serije pisma i upute Dubrovačke vlade na zapad, dakle Ponentis. Donc, et la, le second livre est la même histoire, mais les lettres qui ont été écrites vers l'ouest. Dakle, Dubrovčani su u to vrijeme, ova je iz 16. stoljeća. Et ce livre est du 16e siècle. Donc, le Levant d'un côté, le Ponant de l'autre. Alors, c'est écrit en quelle langue? Na latinskom. Latin est la langue officielle. En fait, Dubrovnik, il a une histoire assez particulière par rapport à l'histoire croate, parce que jusqu'au 19e siècle, c'est plus ou moins une petite république indépendante, un peu à la manière grecque d'un idéal de polis. Donc Dubrovnik va survivre quelque chose comme 12 siècles jusqu'à l'arrivée des troupes napoléoniennes comme une petite commune, petit territoire, facile à tenir dans un, comment dire... Alberto Furca. C'est un environnement à la fois difficile, très difficile politiquement, et pour le commerce, c'était très très intéressant, parce que c'est là le lien entre la mer et l'arrière-pays, et en même temps, c'est un peu le tout dernier bastion de l'Occident vers l'Est. Et c'était des grands politiciens, des grands diplomates, et ils ont vraiment appris la leçon pendant des siècles. Ils étaient vraiment très très rusés dans tout ce qui est politique, et très fiers de l'être. Donc, toute la documentation est en langue latine, avec parfois quelques lettres qui sont écrites en italien. Parfois, ça se mélange. Latinski je u to vrijeme bio službeni diplomatski jezik čitave Europe. Comme le latin à ce temps-là était la langue officielle de toute l'Europe, c'est pour ça que tout ça est écrit en latin. Dakle, da pokušam pojasniti, Dubrovnik je trgovao sa širim prostorom Mediterana u to vrijeme. Je vais essayer d'expliquer que Dubrovnik, pendant ces siècles-là, a travaillé avec une grande partie de la Méditerranée dans le commerce. I u brojnim mediteranskim... De nombreux ports de la Méditerranée, Dubrovnik avait ses représentants en forme telle que des consuls. Et ils avaient des bureaux d'office qui géraient le commerce. Dakle, u ovim knjigama, između ostalom i ove dvije koje sam... Donc, ces lettres-là, là, représentent la correspondance de la République de Dubrovnik avec ces consulats qu'ils avaient dans les autres villes de l'Europe et de la Méditerranée et aux commerçants qui praticaient le commerce. Toliko, dakle, iz Iz tih pisama se naravno mogu jako dobro iščitati. Et c'est à travers ces documents que nous pouvons voir la relation de Dubrovnik avec le reste de la Méditerranée, et c'est justement ça que Fernand Braudel a étudié ou fait de recherche ici sur ces lettres. Raguse, c'était toujours un tout petit territoire. Ça gênait énormément Venise parce que c'était le seul point de littoral adriatique est qui n'était pas vénitien. Raguse était sous Venise pour une assez courte période d'un siècle et demi, entre 1205 et 1358. Et après, une fois libéré de Venise, ça va être l'âge florissant de Dubrovnik, l'âge d'or de Dubrovnik, une fois débarrassé. Et au fait, le plus grand, c'était dans le commerce à l'époque du sel. C'était ça l'importance, un peu comme la guerre de pétrole aujourd'hui. Là, c'était la guerre du sel à l'époque. Et Dubrovnik a eu le monopole pour l'arrière-pays. Et Venise, du coup, ils ont vraiment joué un jeu sur un petit îlot qui est dans le delta de Neret, enfin, sur les droits qui peut tenir ce marché des sels qui partait ensuite dans les Balkans. Donc là, c'était le début de cette guerre qui va durer jusqu'à la chute de la République d'ailleurs. Venise va tomber la première. Venise tombe Campo Formio, c'est 1697, Dubrovnik va tomber complètement en 1808. Une petite revanche quand même, et Dubrovnik va survivre quand même 10 ans de plus. Mais cette guerre va être sans cesse. Et en fait, Dubrovnik, il était plus ou moins, on peut dire, avec tous les symboles d'un petit territoire, un petit état indépendant. Et en fait, il n'y a que Venise qui n'a jamais accepté un consulat de Dubrovnik à Venise. Qui voudrait dire que Venise accepterait aussi le fait que la petite république ragusienne, elle est indépendante. Donc, il y avait beaucoup de raisons, bien sûr, parce qu'on y travaillait à Venise. Les ragusiens, ils étaient donc les schiavoni à Venise, ce sont les ragusiens. Le quai des schiavoni, en fait, c'est le quai des ragusiens. Donc, on y était en affaires, en politicien, en art. Et en consulat à Venise, il était vraiment le plus important de tous. Mais il n'y en avait jamais. Il y en avait 88 autres, 18e siècle à la fin, donc c'était vraiment diplomatiquement tout à fait reconnu partout, sauf à Venise, jamais à Venise. Et en fait aussi, toutes les taxes, les pires imposées, c'était pour les ragusins. La quarantaine imposée, c'était d'abord contre les ragusins. Donc tout ce qui était possible dans cette guerre économique, c'était bon, donc tout était acceptable. Mais en même temps, il faut penser, comme Braudel l'a dit, les ragusins, c'était un peu aussi les profiteurs des guerres des autres, d'une manière, avec le joli drapeau blanc SB Saint-Blaise, et en fait, ils faisaient les affaires avec les deux côtés. Donc c'était un peu quand même les profiteurs de guerre à l'époque, et toujours, ils se sont vraiment tirés des affaires avec le plus grand profit après la guerre. Pendant la guerre de Lépante, 1571, ils sont sortis avec des milliardaires. On a eu des... Et d'ailleurs, c'était jamais des nobles ici. C'était toujours des bourgeois à l'époque. Donc les familles simples, le peuple qui a fait les affaires. Donc on a une bourgeoisie très très riche et vraiment par vague des grandes guerres. Pa nisam nija baš stručnjak u tome za detaljno iščitavanje ovih pisama potrebno je temeljito poznavanje paleografije. Pour comprendre et lire ces lettres, il faut connaître pas seulement le latin, mais aussi la paléographie. Donc, moi-même, je ne suis pas spécialisée dans ça. Les archives sont pour la plupart donc écrites en langue latine. Est-ce qu'il y a d'autres langues que le latin ? Najviše dokumenata pričamo o fondovima koji se odnose na vremenski prostor, vrijeme i prostor Dubrovačke Republike prije svega. Si nous parlons des documents, on parle des documents qui parlent de l'histoire de la République de Dubrovnik, l'ancienne Raguse, jusqu'à 1808. Najviše dokumenata imamo naravno na latinskom jeziku. La plupart des documents et le plus grand nombre c'est le latin, la langue latine. Koji je, kao što sam rekao, bio službeni diplomatički jezik srednjega vijeka. Qui était la langue officielle du Moyen Âge. Imamo jako puno dokumenata na talijanskom jeziku. On a aussi énormément de documents qui sont écrits en italien. Imamo preko 15.000 dokumenata na turskom jeziku, osmanske provenijencije, na turskom i na arapskom pismu. Nous avons environ 15.000 documents qui sont de provenance turque et qui sont écrits en arabe. Imamo naravno i pregrš dokumenata na našem, na hrvatskom jeziku. Et normalement, on a aussi des documents qui sont écrits en croate. A imamo nešto i na francuskom. Mais on a aussi un certain nombre de documents qui sont écrits en langue française. Jer Dubrovnik je od 1806. godine do 1814. bio pod francuskom okupacijom, kako ste imao predvest, nemam pojma, ali to jest okupacija, dakle bio je u sastavu francuskog carstva. Car Dubrovnik, depuis 1806 jusqu'à 1814, était sous l'occupation française, ou dire qu'il faisait partie de l'Empire français. Dakle, u jeku, naravno, napoléonskih ratova. Ce qui est au temps des guerres de Napoléon. Tako da se administracija za tih desetak ili manje godina koliko su Francuzi ovdje bili, vodila na francuskom i na talijanskom jeziku. Et pendant ce temps-là, la correspondance était faite en langue italienne et française. Est-ce que vous avez des documents écrits en hébreu? Ah, da li imate dokumente koji su pisane na hebrejskom? Imamo, ali jako malo. Mislim da se radi o desetak pisama. Oui, nous en avons, mais très peu, peut-être pas plus que 10 lettres. Est-ce que vous êtes fier de toutes ces archives? Jeste li ponosni na ove arhive? Izuzetno. Exceptionnellement fier. Nous sommes devant le vieux port à Dubrovnik, comme le fut Fernand Braudel en 1936, où il a pu observer les bateaux aller et venir. Vous avez étudié l'histoire de l'art, l'archéologie. Quand, pour la première fois, avez-vous lu Fernand Braudel et quels effets a eu cette lecture sur vous? Drago mi je da smo baš ovdje u gradskoj luci i postavili to pitanje, je li za njega sam već kao rano, ili sam se počeo zanimati za povijest vrlo rano, već u osnovnoj školi, te informacije, je li Brodel je unijevši tu ekonomsku, znači, drugačiji način razmišljanja povijesti svakodnevice, je bio dosta blizak, jer mi smo u Dubrovniku igrom slučaja imali povjesničare koji su istim putem radili. Naš biskup Pavao Buturac je jedan od najvećih povjesničara civilizacije koji je živio u tim vremenima, radio po istoj metodologiji kao Ferdinand Braudel, a makar oni su se možda i znali, mogli su se znati, ali Ferdinanda Braudela treba razmišljati, gledati kroz tu prizmu da je to vrijeme ravnatelj bio Branimir Truhelka, čovjek koji se zanimao za povijest ekonomije, ravnatelj arhiva. Je suis très content de pouvoir parler de Fernand Braudel avec vous ici dans cette ambiance. J'ai déjà lu et entendu parler de Fernand Braudel depuis que j'étais très jeune, comme par exemple déjà dans mon école primaire, si tôt. Et c'est quelqu'un qui avait une façon moderne de s'approcher pour découvrir l'histoire de la Méditerranée. Donc il m'a fascinée, surtout qu'à ce temps-là, pendant que M. Fernand Braudel était à Dubrovnik, il y avait un évêque de Dubrovnik qui faisait aussi des recherches économiques sur la Méditerranée. Ils ont dû se connaître probablement. Donc il y avait une raison de plus de le lire et de l'étudier. Monsieur Lupić, lorsque vous regardez là devant vous, devant ce vieux port, vous pensez à quoi en tant qu'historien, puisque vous avez la la longue durée avec vous. Vous avez la mémoire de ce port. Et vous pensez à quoi aujourd'hui? Pa, Dubrovačka luka za sve nas koji smo znači Dubrovčani vezani za Dubrovnik je jedan simbol poseban. Znači i le port de Dubrovnik pour nous tous qui sont nés à Dubrovnik est un port qui symbolise tout pour nous. Un symbolisme très important. Sada kada se nalazimo upravo na jednom izvlačilištu za državnu galiju, za veliku. Parce que là nous sommes dans le port, nous sommes dans les archives. Et nous sommes aussi dans une situation où une fois il y avait l'arsenal. C'est ici que les gros bateaux étaient tirés sur la terre, là où nous nous trouvons. Ja volim dosta često kada radim esej koji nisu ne moraju biti znanstveni, koristiti jedan esej jednog suvremenog poljskog književnika koji je opisao Dubrovnik poput jednog broda koji čeka trenutak da podigne svoja jedra. Souvent quand j'écris sur l'histoire de Dubrovnik, souvent j'utilise le symbole ou la mémoire d'un écrivain polonais qui, lui, quand il parle de Dubrovnik comme historien, parle de Dubrovnik comme d'un bateau. I stoga, ali upravo more, morska komponenta je stvorila Dubrovnik onakav kakvi jest. Bez mora i ovdje je, su zato i pronađeni luka je bila uzrok, odnosno povod nastanka grada. Et c'est justement la mer qui a fait vivre cette ville, parce que c'est ce port qui a fait que la vie soit, oh, que la vie a commencé à naître sur cette position-là. Upravo je trebalo i čekati kraj 20. stoljeća da se sruše imbecilne teze o nastanku Dubrovnika, da je nastao na kamenoj hridi koje su se ponavljali stoljeća u stoljeće, da bi jedan dubrovački kapetan, kasnije doktor povijesti, Antun Ničetić, konačno odbacio tezu da je Dubrovačka luka bila upravo tamo na zapadu. Ne, nego da je ovdje i da je upravo taj pjesak gdje su se grčki brodovi mogli izvlačiti, voda koja se tu nalazi, tekuća, i poluotok lagana za utvrđivanje, su bili upravo mjesto prva sigurna luka na Jadranu, na istočnoj obali Jadrana poslije Otrantskih vrata. Le port de Dubrovnik a été aussi expliqué dans un livre d'un capitaine de Dubrovnik, M. Ničetić, qui explique, et finalement c'est la thèse qui est acceptée par tout le monde, c'est la composition géographique de la position, le sable qui se trouvait là pour pouvoir tirer dehors les bateaux, même au temps des Grecs. Donc cette ville-là a commencé déjà à ce temps-là. Upravo, ta pomorska dimenzija gdje Dubrovnik ne bi mogao se razviti, pošto nema prirodnih resursa da se razviju bogati grad, nego upravo trgovina, strateška iznimna pozicija na Jadranu sa sigurnom lukom, omogućili su upravo i pokrenuli su ljude prema moru. Oni, i njihov hinterland upravo je taj koji ih ne nudi im mogućnost života. More je to koje nudi život. Parce que c'est la mer qui offre la vie. C'est comme ça que les gens d'ici, les premiers habitants, sont portés à la mer, à devenir des marins, à se construire des bateaux et à être orientés vers la mer et tout ce que la mer apporte. Parce que derrière les montagnes, ce n'était pas vraiment une chose qui les attirait. Ils n'avaient pas vraiment tellement besoin de se développer vers la terre, ils avaient beaucoup plus besoin de se développer vers la mer. Et surtout que le port était un port très sûr. Il est vrai aussi que, sans parler seulement de la flotte, que Dubrovnik n'a jamais perdu les liens avec l'arrière-pays balkanique. Et il y a eu même des monopoles. Par exemple, tous les Balkans regardaient vers Dubrovnik pour les approvisionner de sel, par exemple. Ce monopole de sel a été extrêmement important. Dubravka Sverko. Le sel et l'argent. Et les Ragusains ont été bien conscients de ceci. Il faut dire qu'une période, quand on a été sous les Vénitiens, donc à partir de 1215 jusqu'à 1358, pendant 150 années quand même, lorsque Venise a essayé d'étouffer la flotte ragusaine, forcément Raguse a dû se tourner vers l'arrière-pays et le commerce intérieur. Et donc les liens créés à cette époque-là n'ont jamais été abandonnés. Ce qui a fait que par exemple Dubrovnik, conscient de l'importance d'argent, et des mines d'argent, a eu même des colonies autour des mines d'argent en Serbie, à Kosovo, en Bosnie. Le plus important, c'était le chemin des caravanes pour Istanbul, qui donc passait par la Serbie, Bulgarie, donc ensuite à Istanbul. Donc ça, c'était le plus important. Et le delta de la rivière de Neretva, qui s'ouvre vers Sarajevo. Donc ça va être les liens les plus importants, et bien sûr la côte. Mais ici, au fait, sur la côte adriatique, c'est assez intéressant. Il n'y avait jamais, avant le 19e siècle, il n'y avait pas une communication terrestre. C'était même à Dubrovnik, on ne communiquait pas par la terre, même dans la ville. On n'utilisait pas, il n'y avait pas de chemin, il n'y avait pas de possibilité de se promener en dehors. On prenait les bateaux toujours. Et quand on avait, les Ragusins, ils avaient leur résidence d'été, on ne pouvait pas y accéder par la terre. C'était toujours par le bateau. Donc ça, c'est aussi un peu à cause du terrain. C'est les raisons physiques. Ici, c'est tellement escarpé et hostile presque. Ce côté rocher dur, sec, et la mer qui est tout à fait ouverte et confortable. Donc on utilisait jusqu'au 19e siècle uniquement les bateaux pour les transports ici. Il n'y avait pas de possibilité de communiquer par la terre, sauf les chemins de caravane. Alberto Ferca, visiblement, Raguse savait faire avec les Turcs. Savait faire et surtout avait l'argent pour le faire. Hein, donc c'était moyennant tribu qu'ils l'ont laissé Dubrovnik libre. Il y a cette fameuse anecdote que les émissaires qui allaient à Istanbul amenaient donc le tribu annuel et le vizir comptait. Et une fois les comptes faits, si tout était bien, ben l'émissaire avait sa tête sûre, mais on le jetait en prison jusqu'à l'arrivée des suivants. Donc c'est assez anecdotique, mais c'est véritable. Et en fait, tant que ça allait, mais ils imposaient aussi des sommes énormes. Il y avait quelques fois où c'était des sommes, mais carrément extorsionnaires, exorbitantes, où on ne pouvait pas, donc ils se cassaient la tête comment faire. Après, il fallait amadouer les sultans. Donc ça dépendait aussi des sultans qui étaient en fonction. Quelquefois, vraiment, il n'y avait pas de possibilité de remplir, de trouver une telle somme. Il y avait donc des moments très très difficiles, mais toujours dans les chiffres. C'était toujours dans les chiffres. Quoique, il y avait aussi, surtout après les grands tremblements de terre, c'était le grand danger. Que les Turcs y arrivent et finalement prennent la ville. Parce que la ville, elle était tellement fragilisée après 1667, tout le monde a compris. Les Vénitiens y arrivent aussi, les Turcs arrivent de l'autre côté, et donc c'était qui va prendre. Et heureusement, ils étaient les deux. Et comme ça, personne n'a pris cette ville. Mais en fait, là, c'était vraiment très, très dangereux. Et cette période après les tremblements de terre, c'est peut-être la pire. Donc fin 17e siècle, c'est vraiment ce que Dubrovnik a vu de pire dans toute l'histoire. C'est un peu la définition du Ragusin, l'équilibre entre le pape et le sultan. Oui, l'équilibre du pape et le sultan, un grand diplomate, comment dirais-je, même des gens... il y a une expression chez nous qu'il y a 1000 vernis sur quelqu'un, donc il y a des couches, donc très très difficile de venir au noyau, de voir un peu la vérité, donc la vérité toujours contournée, et redesignée, si on peut dire, redessinée. Trois civilisations principales pour la Méditerranée, la civilisation chrétienne, celle de l'islam et la civilisation orthodoxe. Dans le cas précis de Dubrovnik et de son histoire à l'époque de l'âge d'or, comment s'imbriquaient précisément ces différentes civilisations? Pas vrlo jednostavno. U osnovi vi morate znati da je od osvajanja Carigrada patrijarha u Fanariji postavio sultan. Kvadariotski patrijarsi. I Rum sultanat, odnosno Milajet kršćanski, je bio povlašten, ortodoksija je bila povlaštena, a poglavito u tome trenutku je nastala pomutnja u tom odnosu kad je Mehmet Paša Sokolović svog brata Makarija postavio za patrijarha Pečke patrijaršije i tada je... Možete... C'est très simple dans la base, mais l'histoire de l'Empire ottoman qui a imposé ses règles dans la partie des Balkans, ici, à je veux dire, autour de nous, il y avait aussi ce qui était privilégié, c'est le côté orthodoxe. tada je, moramo znati jednu stvar, katolička Albanija, cijelo katoličko područje, znači Bosne, gdje nema pravoslavlja, pravoslavlje dolazi sa Turcima na ovo područje, zato što dolazi kao akinđi, kao pljačkaške jedinice, sporedne jedinice. A ce temps-là, vous avez toute l'Albanie catholique qui est la seule. L'approche de l'Orient vers nos territoires ici, c'est avec eux qu'arrivent les orthodoxes aussi, car ils sont les privilégiés. Et ils viennent ici, plus ou moins, pour faire la conquête ou pour piller, et ainsi de suite. Katolici su plaćali znatno najveći harač, harač u krvi, harač u novčanom iznosu. Les catholiques payaient un tribut, que ce soit en forme d'argent ou que ce soit en forme de sang. Tribut za harač je previše meka riječ. Utiliser le mot tribut pour harač, qui est le mot turc utilisé ici, est un mot très un peu trop doux. Dubrovnik je bio poput jednog harlekina koji je preživljavao u nemogućem i spajao je svjetove. Donc Dubrovnik parfois était un peu comme un harlequin. Il parle de la République, hein. Il mettait ensemble un monde qui normalement ne fonctionnait pas entre eux. Mais à Dubrovnik, tout était possible. Vi morate znati, pogledajte zidine, pogledajte koliko je besciljno bačenoga novca u njih. Parce que, il faut savoir, regardez un peu les murailles de Dubrovnik. Quelle énorme somme d'argent a été jetée dedans. Još više je bačeno novca u plaćanju tog dara mira, ne harača, dara mira za naše strane. Et encore plus de l'argent a été donné dans le don de la paix. Donc pas le tribut, mais le don pour la paix. I gubljenja energije o potkupljivanju sultana, velikih vezira, sultanove žene, priležnica, etc., etc. Pour ne pas parler des sommes énormes qui étaient données au sultan, à ses épouses, à ses maîtresses, tout pour les rendre plus aimables envers cette petite république. Dubrovnik je u stvari jedna relikvija kakvih je bilo tih gradova i nažalost katolici su ostali u onim dubrovačkim kolonijama u Bosni, u drugim dijelovima, jedino su oni i tada je naša republika štitila sveta mjesta u Palestini. Il y a eu alors des petites colonies catholiques dans la partie orientale qui étaient protégées par la République et c'est à ce temps-là que Dubrovnik protège les catholiques dans Palestine même. I tada, vi morate znati, to je jedno, prva sveta liga, druga sveta liga, katolik, to je značio najprijatelj broj jedan turskog carstva. Parce qu'on doit savoir qu'il y a la première croisade sainte, puis la seconde sainte croisade, elle représentait bien sûr un danger pour l'Empire ottoman. Vi ste se u tom nemogućem okruženju trebali snaći. Et la République devait apprendre comment vivre entre les croisades, entre les ottomans, et trouver une place au soleil. Jedna diplomatska akcija kada rimski papa briše stavku Mletačke republike da umjesto Cipra, poslije pada Cipra, dobija Dubrovnik, to je jedna od diplomatskih pobjeda naše diplomacije, to je praktički pokazivalo da mi smo željeli su uvijek nas gledati kao na objekt, a ne kao subjekt politike. Et à travers l'histoire, quand Dubrovnik tombe parfois sur Venise aussi, Dubrovnik a été toujours vu comme un sujet, mais pas comme une vraie république. C'était plutôt, on se l'appropriait. I upravo tako se razmišljajući onda pitate, odnos. Odnos je bio takav da ste trebali preživjeti, a Dubrovačka republika, igrajući na pet karata istovremeno, je preživjela. Drugi nisu. Pour conclure, la chose est très simple. La République de Dubrovnik jouait sur cinq cartes autour d'elle. C'était la seule façon et moyen de pouvoir exister. Vous voyez un peu la carte de la Croatie, n'est-ce pas? Donc là, vous voyez, on est tout à fait au bout d'une bande côtière. Et même les territoires qui ont été autour, Dubrovnik a élargi son territoire de la première commune de Dubrovnik, jamais avec les armes, toujours en achetant, en offrant un bon prix aux propriétaires des terres qui intéressaient les seigneurs ragusins pour créer la République de Dubrovnik. Mais c'était toujours resté lié à la mer, un peu de côte et c'est tout. Alors que déjà, de l'autre côté de ces montagnes, c'était toujours les autres. Pas la Croatie. La Croatie qu'on peut définir, même si de différentes parties de la Croatie connaissaient de différents cours dans l'histoire, telle par exemple la Dalmatie, les villes dalmates, qui étaient pendant très longtemps sous Venise. Ensuite, le haut de la Croatie, c'est-à-dire le nord de la Croatie, qui faisait partie du royaume croato-hongrois, ou hongro-croate, comme vous préférez. De leur propre chef, les Croates ont décidé de partager la même couronne. D'ailleurs, Dubrovnik, à titre formel tout à fait, reconnaissait aussi ce pouvoir du royaume croato-hongrois, en s'excusant toujours quand il fallait payer, disons, un tribut. Voilà, cette fois-ci on ne peut pas, mais si vous voulez nous attendre, en entre-temps nous allons chanter la messe en votre honneur dans la cathédrale de Dubrovnik, et ces quelques dinars, on va vous envoyer un peu plus tard. Mais formellement, Dubrovnik reconnaissait tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'il fallait, et en réalité, on restait toujours tout à fait indépendant. Et aussi, même si on reconnaissait ce royaume croato-hongrois, par exemple, on avait la seule obligation de payer une somme pas trop importante et fournir des bateaux en cas de nécessité, des bateaux de guerre. Vous savez que chaque bateau pouvait se transformer en un bateau de guerre. Obligation que Dubrovnik évitait à tout prix, notamment quand il fallait s'exposer dans les guerres de la Ligue Sainte contre les Turcs, par exemple. Alors là, c'était une situation très délicate pour les Ragusins, qui n'étaient pas occupés par les Turcs, justement, à cause de cette, disons, amitié à long terme, car on faisait semblant d'être amis des Turcs, et sans quand même cacher notre participation et notre foi, qui est tout à fait catholique, notre civilisation est tout à fait occidentale. Les Turcs le savaient, et quand même, il ne fallait pas leur fournir les preuves d'une participation des bateaux ragusains dans un combat contre les Turcs. Car sinon, tout de suite, cette petite république aurait été conquise par les Turcs. Les papes étaient bien conscients de cette situation. Donc, ils étaient prêts à faire toutes sortes d'exonérations, d'exemptions pour la République. À quoi bon perdre cette goutte de foi, de la foi chrétienne, de catholique et de cette civilisation occidentale, comme jetée à l'Est. Marseille a sa liaison avec la route du Rhône. Alger, sa solidarité avec le Maghreb central. Raguse, indéniablement créée par la mer, n'a jamais un seul instant été absente du vaste monde balkanique dont elle a prospecté les côtes et l'intérieur. Elle s'est intéressée jadis aux mines d'argent de Serbie, y assurant le ravitaillement des centres d'extraction et des villes et foires à leur voisinage. Uskub, Prilep, Prizren, Peć. Au XVIe siècle, son commerce terrestre connaît vers l'Est un renouveau indéniable. Ses marchands poussent à travers la Bosnie et la Serbie jusqu'à Vidin. Ils jouent leur rôle dans les provinces danubiennes. Ils forment à Uskub, point de départ d'un roulage vers Constantinople, une colonie serrée. Ils s'infiltrent en Bulgarie, dont l'accès leur avait été longtemps rendu difficile par les marchands génois venus de mer Noire. Ils sont à Belgrade, vendant le drap anglais aux officiers turcs, retour de la guerre de Hongrie. Ils sont à Andrinople, accueillant au passage les ambassadeurs chrétiens. Et, bien entendu, ils sont à Constantinople. L'étonnante puissance de Raguse au XVIe siècle est liée à ses colonies marchandes plantées dans l'intérieur balkanique, à ses centaines de boutiques où ses marchands revendent à crédit ou au comptant les carices anglaises, les draps de Venise ou de Florence, à ses voyages de commerçants acheteurs de cuirs et de laine qui vont sur place discuter avec les bergers et dont les archives de Raguse conservent parfois les longs et étroits carnets de comptes. Toute la vie de Raguse reste impensable sans les affreuses routes qui gagnent Sarajevo vers le nord, ou par les hauteurs monténégrines et albanaises, Uskub, relais essentiel en direction de l'est. Raguse est la jonction de deux mouvements, l'un qui s'éploie par les routes des Balkans, l'autre qui utilise les chemins sans limite de la mer et, au XVIe siècle, conduit les Ragusins dans tous les pays de Méditerranée, sans exception, parfois jusque dans l'Inde, souvent jusqu'en Angleterre, une fois à notre connaissance jusqu'au Pérou. J'aime beaucoup la grammaire des civilisations. Et certains aujourd'hui font de la grammaire des civilisations le point de départ du choc des civilisations, c'est pas vrai. Yves Lacoste. Parce que Brodel analyse la façon dont sont organisées grammaire, c'est-à-dire les relations entre des éléments, comme dans la grammaire, c'est des éléments de langage qui se combinent. Bon, et ben pour Brodel, il montre comment une civilisation a une grammaire associant la langue, la musique, etc. Mais il ne parle pas de lutte entre civilisations, du moins tel que je m'en souviens. Et ça ne m'a pas frappé. Ce texte est un texte très particulier. C'est-à-dire qu'à la base, c'est un manuel scolaire pour le secondaire, pour les classes de terminale. Blaise Dufal. Qui a été écrit à plusieurs, qu'ensuite Brodel a refondu pour en faire un ouvrage dit de référence. Et que cet ouvrage, quand on le lit de près, ne correspond pas tout à fait à l'image qu'on se fait de cette volonté d'articuler culture, civilisation et économie. C'est-à-dire que quand on prend de près le raisonnement de Brodel, on se rend compte que le terme de civilisation, finalement, n'est jamais défini. Et donc, qu'on ne sait pas de quoi on parle. Et que c'est le problème fondamental de cette notion, c'est que c'est une notion extrêmement répandue, très pratique, mais dont, finalement, personne ne sait ce qu'elle veut dire. Si vous voulez, si vous prenez le troisième tome du monde, la Méditerranée, le monde méditerranéen, vous avez une magnifique géopolitique. La façon dont Brodel traite de la bataille de Lépante, 80 pages, il fait le tableau de la situation géopolitique après les pentes, tout de suite après. Il dit, on pensait, les contemporains, et on aurait pu penser, nous d'aujourd'hui, qu'il y allait avoir une contre-offensive des Turcs. Et, en fait, elle n'est pas venue. Non pas que les Turcs aient été anéantis, loin de là, mais parce qu'il dit, à ce moment-là, il commence à s'intéresser à autre chose. Il commence à pousser vers l'océan Indien, vers le golfe Persique. Ils s'aperçoivent que par là, les ressources que les Européens commencent à tirer de l'Inde, qui ne transitent plus par l'Empire ottoman, mais qui font le tour par le Cap de Bonne-Espérance, c'est tout de même intéressant. Et par conséquent, le Brodel ouvre la porte. Et tout à fait à la fin du tome 3 de la Méditerranée, Brodel est en pleine puissance, si vous voulez, de sa représentation de son religieux. Et il est assis à la table bureau de Philippe II. Il voit les textes, certains textes qui ont été choisis, qu'il a choisis de Philippe II. Bon. Et il dit, voilà, moi je suis là, et je sais ce qui s'est passé après. C'est-à-dire que il n'emploie pas le terme géopolitique, mais il parle très bien de l'évolution des rapports de force pour le contrôle d'espace, et c'est pour ça qu'il prend la Méditerranée et le monde méditerranéen, et dans ce monde méditerranéen, il lui donne une extension où on voit toute une série de nouveaux rapports de force. C'est un type formidable, vous savez. Visiblement, professeur Lupis, vous avez une vision des civilisations peut-être un peu moins tranchée que celle de Fernand Brodel, surtout lorsqu'il parlait d'ère culturelle et lorsqu'il disait que les civilisations avaient un destin. À vous entendre, les civilisations sont beaucoup plus hybrides que chez Fernand Brodel pour vous. Ovako, teško je razgovarati. Sa onom, znači, zapadna civilizacija obično se uzima ona koja ima i romaniku i gotiku i renesansu i manirizam i barok i rokoko i klasicizam, etc. Oni koji to nisu imali, oni to teško razumiju. Si nous parlons d'une civilisation qui fait partie de l'Ouest, c'est une civilisation qui a eu le style roman, gothique, renaissance, baroque. Donc c'est une civilisation qui a été civilisée. Ceux qui n'ont pas eu ça, ne peuvent pas le comprendre. Tada kad to je teško, Dubrovnik je znači u 19. stoljeću doživio što je doživio. Morate znati da je Napoleon imao svoga prevoditelja našega Dubrovčanina za znači Damijana Bračevića sa Šampolionom u društvu. Donc il faut savoir que Napoléon avait un interprète traducteur qui était un homme de Dubrovnik qui lui traduisait quand les Français étaient ici. Kada imate jednoga znači plemića koji je zajedno može biti znači na dvoru Napoleonovome znači i skladati biti kompozitor, tada ste dio Europe. Europa prestaje ovdje upravo gdje je nestao statuti, znači način života, la maniera della vita. La civilisation ou l'Europe est représentée de sa manière de vie. Donc si c'était un homme de la noblesse de Dubrovnik, de la République, représentant en France et servant comme interprète pour Napoléon, ça vous dit quelles étaient les possibilités des gens qui vivaient là. I teško je tada govoriti o tim krajinama kad znate kad je simbol kraljevske krune Liljan. Liljan znači vazalno kraljevstvo Hrvatsko-Ugarsko kraljevstvo je Liljan koji sad postoji neki drugi simbol upravo u kraljevstvu Bosne. Parce que quand vous parlez de ces civilisations, le symbole du roi c'était le lys. Eh ben non, le symbole de lys représente aussi une partie de la Bosnie. Le lys est le symbole. A naš grb je kuće grb kraljevske kuće Arpad, dubrovački grb kojega smo dobili našeg rimskog cara kralja Sigismunda. E c'est le roi Sigismund qui a donné le blason de la République que nous avons eu de lui, c'est la maison de ça. I zato su u praktički vrlo se često naši pravi, znači kojima smo dijelili 800 godina povijesti su upravo i Mađari. Notre histoire donc a été partagée pour 800 années avec un roi hongrois. Nadamo se da ćete da će možda nekoga potaknuti upravo mač kralja Sigismunda je otet iz našeg grada i nadamo se da će biti vraćen u naš grad. Et voilà ma façon de demander peut-être car l'épée du roi Sigismund a été prise de Dubrovnik. Nous ne l'avons plus ici. Et voilà une façon de dire que peut-être quelqu'un aura l'idée de nous la retourner un jour. I njegov je Orlando kojega se nalazi tada je podignut na njegovom razdeblju. Et la colonne de Roland que vous avez au plein centre de la ville a été aussi mise là au temps de Sigismund. Kada već govorimo od nekih u 16. stoljeću na turskom dvoru i 17. hrvatski je bio diplomatski jezik kao i onda kad je bio francuski. Au XVIe siècle, dans l'Empire ottoman, la langue croate était une langue qui était utilisée, on l'a parlé, comme le français d'ailleurs. Et encore une chose. Vi obično zaboravljate u 19. stoljeću Antoine Roufil et Antoine Rupert, to su dva slikara. Au XIXe siècle, Antoine Rupert et Antoine Dufil. Dva francuska slikara iz Marseille, koje gotovo nema jedne bogatije bodovlasničke kuće u Dubrovačkom kraju da njima ikva akvarel. Des peintres de Marseille, et il n'y a pas une seule riche maison à Dubrovnik qui n'a pas les peintures de ces deux peintres. Alberto Farca, vous êtes professeur de piano, concertiste. Est-ce que ça a un sens pour vous de, à la fois de revendiquer cette histoire culturelle et est-ce que vous avez l'impression de continuer enfin cette histoire? C'est un peu difficile de dire parce que bon, je suis de Dubrovnik, je suis très ancré, très profondément amoureux de ma ville, de ce territoire, de la Croatie en général aussi. On a ce sentiment très local, vraiment une relation d'amour avec cette vieille ville. Mais en fait, ma famille, elle est ici depuis 3 générations. Donc on est très très rare à Dubrovnik, ils sont vraiment des anciens ragusins, parce que la noblesse de Dubrovnik, elle s'est complètement éteinte. Au 19e siècle, on n'a pratiquement plus comme à Venise. Encore plus, parce que c'était mal vu que les nobles aient des enfants après la chute de la République. Donc il y avait une sorte d'accord tacite entre eux, une histoire un peu romantisante, utilisée aussi dans la littérature, comme quoi ils ont fait un accord entre eux de ne plus faire d'enfants officiels. Donc il y avait des lignées bâtardes. Et en fait, je ne suis là que pendant quelques générations, mais je me sens vraiment très très ragusin. On n'utilise pas ce mot ragusin, on dit quelqu'un de Dubrovnik. Raguse, c'est vraiment utilisé pour l'ancienne République. Mais on est, je pense, très, très marqué par cette ville, par son histoire, par cette fierté d'être ici sans être, je sais pas, la fierté, bon, c'est pas pour appuyer, pour dire oh, regardez comme c'est beau, c'est pas tellement ça, mais dans cet amour on n'est pas tellement modeste, il faut dire. C'est le propre de la fierté. La noblesse s'est éteinte, mais il n'y a pas des descendants des armateurs ? Il y a des familles qui sont lignées bâtardes, des nobles, qui portent encore des noms. Il y a quelques lignées directes, mais en fait très très peu, et ça se perd presque complètement. On pense qu'au début du XXe siècle, c'était complètement fini par la noblesse ragusaine. On a encore quelques lignées qui ne sont pas tout à fait directes. En tant que tel, construire le concept de civilisation scientifiquement pourrait se faire. Sauf que je pense qu'aujourd'hui, ce concept a plus de 300 ans d'existence derrière lui et qu'il a une série de stratifications, de connotations morales, politiques et idéologiques qui font qu'on ne peut pas s'en séparer. On n'arrivera pas à sortir des connotations idéologiques de ce terme et Brodel ne s'en sort pas. D'ailleurs, il le note à un moment où il dit « c'est un terme très compliqué ». Et puis finalement, il évacue la complexité idéologique de ce terme et puis il le prend et il s'en sert. Donc, faire une grammaire de civilisation au sens faire une analyse précise de différents niveaux de la réalité sociale et historique, c'est le travail de tout chercheur en sciences sociales. Vouloir imposer le terme de civilisation comme étant le terme englobant l'esprit de cette recherche me semble la problématique. Je pense que le problème du chercheur face à ces questions de l'idéologie n'est pas de la nier, mais par contre de la rendre explicite. C'est-à-dire que la démarche d'un chercheur doit être une démarche d'honnêteté. D'où je parle, comment je parle, avec quel outil je parle. Et donc, si j'emploie l'outil de civilisation, je dois m'intéresser à ce qui a construit ce terme de civilisation. Ce que ne fait pas Brodel, il ne fait pas d'archéologie du terme. Et que si on fait l'archéologie du terme, ce qui est les recherches auxquelles je m'emploie depuis un an, on se rend compte d'une part de la multitude et de la complexité de cette notion, de l'impossibilité d'une certaine manière d'en faire une nouvelle, et que d'autre part, au-delà de cette multitude de connotations de la notion de civilisation reste toujours une manière de décrire sa propre identité en l'opposant à d'autres identités, que la notion de civilisation est toujours finalement une manière de hiérarchiser les choses en mettant le locuteur en haut de la hiérarchie. Donc c'est toujours une opposition binaire, globalement, effectivement, entre ce qui est civilisé, qui serait lié à l'univers de la ville, à la sédentarisation, à l'industrialisation, et de l'opposer aux traditions, au folklore, aux nomades, à tout ce qui finalement est le contraire, ou ce qui ne rentre pas dans les cases de la civilisation occidentale. Car derrière le terme civilisation, en fait, il y a le terme Occident. En permanence. Et que même si on entend la civilisation comme un pluriel, l'étalon de jugement, ça sera la civilisation occidentale. Quel est l'héritage le plus important pour vous de Fernand Brodel aujourd'hui et en quoi il nous aide encore à comprendre un peu la Méditerranée d'aujourd'hui? Dobro, on je institucionalno znači napravio način razmišljanja i istraživanja na sveučilištima da danas način se rada ekonomske povijesti svakodnevice i kroz povijest svakodnevice vi možete upoznavati druge i možete stvarati jedno drugo ozračje. Il a quand même rendu possible, et c'est grâce à lui que maintenant, à travers l'histoire de tous les jours, l'histoire de l'économie, vous pouvez comprendre la vie qui se passe ici, et même ailleurs. mi koji smo odgojeni na bečkoj školi, nous avons été éduqués sur le symbole et l'idée de l'école de Vienne. Znači svi mi koji imamo iz isto iz ovog područja praktično Austro-Ugarske isti način obrazovanja i historicistička povijesna škola Bečka škola mi imamo jedno svoje. Ovo je bilo zanimljivo za nas, ali Brodel je jedno drugčiji način razmišljanja. Pour nous, Brodel a une autre façon de penser, car nous avons quand même vécu sous l'Empire autrichien hongrois, et donc nous avons une mentalité peut-être un peu différente et une façon de penser différente. Je li mi smo praktički Hrvatska i hrvatska historiografija i uopće civilizacija, mi smo uvijek Mitteleuropische i Mediteran. Tu je, mi smo u jednom balansu i upravo nama je naš način razmišljanja je upravo to. Mi smo okrenuti u onom dijelu prema sjeverozapadu. Nous sommes plutôt dirigés vers le nord-ouest à cause de cette position éducation qui est un peu l'Europe centrale d'un côté et la Méditerranée de l'autre. On est un peu entre les deux, quoi. Ici, on a l'impression que l'italien de l'autre côté de l'Adriatique, vous comprenez beaucoup mieux que, par exemple, peut-être avec quelqu'un qui est même dans votre quelquefois dans votre pays, mais très loin, n'est-ce pas, puisqu'il y a les mêmes habitudes, la même manière de vivre, cette fameuse sieste ou bien les fruits de mer, le poisson, l'huile d'olive, le vin plutôt que la bière. Voilà, c'est quelque chose qui est très très important. Je ne sais pas si, à part Brodel, bon, il y a eu d'autres historiens, mais je pense que cette unité méditerranéenne n'est toujours pas suffisamment accentuée. Fernand Brodel, justement, disait de la Méditerranée qu'elle était un personnage historique. Diriez-vous la même chose? Da, jedna povijesna cjelina sa omeđena i vrlo, vrlo jedinstvena u mnogim stvarima. Baš je možemo promatrati kao cjelovitu osobu. Oui, c'est tout à fait ça, c'est comme une personnalité unique qui représente toutes les quand même aussi des différentes cultures qui sont représentées dedans. Parmi ces différentes cultures, lesquelles retenez-vous essentiellement? Naklonjen, čujte, ja sam se rodio u Dubrovniku i mene najviše zanima dubrovačka povijest. Dubrovačka povijest i kultura je prožeta prije svega zapadnom talijanskom i španjolskom kulturom. Moi personnellement, je suis né à Dubrovnik. Donc c'est ça qui m'intéresse le plus et l'histoire et la culture de Dubrovnik est imprégnée par l'histoire de italienne et espagnole. Ali isto tako Dubrovnik kao i Hrvatska se nalazi na jednom razmeđu istoka i zapada. Et en même temps, Dubrovnik ainsi que la Croatie entière a une position de frontière entre l'est et l'ouest. I u našem gradu i kroz njegovu povijest dosta su vidljivi i utjecaji sa orijenta. Et dans notre ville même et dans son histoire, il y a aussi une influence très visible de l'Orient. Ako ništa drugo, 350 godina tri brda odavde se nalazilo Osmansko carstvo. Donc pour dire que il y a 350 années de ça, derrière trois montagnes, derrière Dubrovnik, se trouvait l'Empire ottoman. Dakle, kojoj sam kulturi naklonjen, naklonjen sam, ne mogu reći kojoj sam kulturi naklonjen, to je nekakav dio, nisam razmišljao o tome. Zbilja je ne peux pas vraiment dire quelle culture est ma préférée, puisque je suis influencé plus ou moins avec le monde, avec l'Europe et la culture dans laquelle je suis aujourd'hui, ici où je vis. Au cours de cette halte à Dubrovnik et dans l'arrière-pays balkanique, vous avez pu entendre Zoran Perović, Alberto Ferka, Dubravka Zverka, Ivo Lupić, Yves Lacoste, Blaise Dufal. et Henri Laurence. Traduction Vesna Gamouline. Texte de Fernand Braudel lu par Claude Aufort. Prise de son Arthur Gerbeau, Georges Thau, Yves Lehors, Pierre Monteil. Mixage Pascal Bénard. Attaché de production Tao Favre. Réalisation Franck Lilin. Grande traversée, Fernand Braudel, l'historien monde, par Philippe Petit. Demain, nous irons à Gênes, nous poursuivrons notre périple pour essayer de mieux comprendre la mondialisation, son histoire à partir du XVe siècle jusqu'à nos jours. Ce sera en forme d'illustration du livre de l'historien « Civilisation matérielle et capitalisme » qui était paru en 1979. Et notre documentaire portera sur le port de Gênes.